بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 120 بعد 100، 121 حديث وصمتين حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Selon Aïcha, qu'elle a dit que le Nabi sallam n'a pas accompli de surat après que lui soit révélée la surat qui est la surat al-Fath, la victoire, lorsque dans le sens où Allah dit, et lorsque la victoire vient, le secours d'Allah vient ainsi que la victoire. Ouais, c'est le Nasr, c'est le secours. Non, pas la victoire, c'est le secours, un Nasr. Donc lorsque le secours d'Allah vient ainsi que la victoire, d'accord, sans que le Nabi sallam dise dans cette salat, purifié, que tu sois purifié, ô mon Seigneur, de tout défaut. Ô Allah, mon Seigneur, et par ta louange, ô Allah, pardonne-moi. Car le fait de dire Subhanaka, c'est le fait de purifier Allah de tout défaut, de tout manque. Et dans une version, qu'Allah, qu'Anna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, avait pour habitude de beaucoup dire lors de son inclinaison et dans sa prosternation, cette parole Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma fi'alli. Donc yaqulu fadilat al-shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, rawi, le rapporteur c'est Aisha Umm al-Mu'minin radhiyallahu anha, et on l'a déjà parlé d'elle auparavant. Mawdou al-hadith, sujet du hadith, bayan hukm hadha ad-du'a wa mawdou'ihi min as-salah. Justement, le sujet du hadith est de montrer le jugement de cette invocation. Et à quel moment doit-on le dire dans la salat? يقول الشيخ في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. تخبر عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى لم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح وراد العلامات النصر والفتح بادر صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر الله عز وجل. Donc Aïcha informe que Allah Azza wa Jal, après qu'il est descendu justement sur la surat du secours, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement a vu cela comme étant un signe du secours et de la victoire. Donc il se précipitait à appliquer l'ordre d'Allah Azza wa Jal. فَكَانَ يُكْسِرُ أَنْ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. Donc de là il disait beaucoup سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. Et à savoir que ce secours, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal a annoncé à son prophète qu'il allait mourir. Ce qui prouve que la mort de celui qui est pieux, cela est un secours pour lui, pour le retirer de ses ennemis, et faire en sorte qu'après sa mort, sa parole soit élevée, et son rang soit élevé auprès des gens. Naam. قال وما صلى صلاة فريضة ولا نافلة إلا قال ذلك في ركوعها وسجودها وكانت في هذه السورة إذانا بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Nabi sallam n'a fait aucune salat qu'elle soit surrogatoire ou obligatoire dans son lors de sa prosternation ou de son inclinaison sans qu'il ne dise cette invocation. Et cette sourate, comme nous l'avons dit, était une annonce de l'approche de son déclin, de sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu min fawaid al-hadith, parmi les enseignements du hadith, مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وإكثاره منه. Il montre qu'il est légiféré à celui qui fait la salat de dire cette invocation là lors de son inclinaison ou sa prosternation et de le faire beaucoup. ثانيا كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وامتثاله لأمره qui montre la perfection de la servitude du Nabi صلى الله عليه وسلم pour Allah عز وجل ainsi que l'obéissance à ses ordres, l'observation de ses ordres. Car cette sourate appelle à dire cela. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. C'est le fait de faire le tasbih par la louange d'Allah Azza wa Jal et demander pardon. Donc c'est exactement cela qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخلد، وإنما يبعث يبلغ رسالة ربه ثم ينتقل إلى جواره. Et que le Nabi sallam n'a pas été justement envoyé pour s'éterniser sur terre, pour être éternel, mais il était envoyé pour retransmettre le message de son Seigneur, puis ensuite le rejoindre, c'est-à-dire en mourant. Sallallahu alayhi wa sallam. هذا الذي أخذنا من هذا الحديث اليوم ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.